for the star in your question. Aim for the top. Aim for the top. Don't aim for the middle. You have to aim for the top. Une question? Oui. Est-ce que Eddie, tu peux nous parler de l'agressivité? Tu veux donner plus de vibrations à ta question. Quel sort de genre d'agressivité? En tant que... Toi, tu dois jamais demander à quelqu'un...